Tous les dimanches, de 23h à minuit, Digital Fury avec Denin et Réo sur RPL Radio, en radio numérique. Lénine et Réo sur RKL Radio en DAB+ ou sur le site de la radio, le www.rkl.radio. RTL Radio. dimanche, 23h minuit, Digital Fury avec Denis et Réo sur RPL Radio. RTL Radio. Police, man. Thank you. RPL Radio.